Chapitre 3e, Maître Maxou. La prison de Château-Chinon est située à côté du tribunal. Elle domine l'immense plaine qui s'étend en ondulations gracieuses jusqu'au bord de la Loire. Ce bâtiment, qui affiche quelques prétentions monumentales, est construit d'après le système mixte, et les détenus qu'il contient sont soumis au régime cellulaire ou répartis par chambrée. Les cellules qui occupent deux étages s'ouvre une sorte de galerie centrale. Au fond de cette galerie s'élève un autel. Tous les dimanches, les détenus peuvent assister au service divin, mais ils demeurent isolés les uns des autres. Le juge d'instruction du rangé, par un sentiment d'humanité, avait fait installer Flavia Morin dans la pièce destinée à l'infirmerie des femmes. C'est là qu'avait été introduit Maître Maxou lorsqu'il eut exhibé au directeur de la prison son permis de communiquer. « Je suis votre défenseur, mademoiselle, » dit-il à Flavia, qui s'était levée en le voyant entrer. Le jeune avocat eut un éblouissement lorsque la prévenue fut devant lui, en pleine lumière. « Monsieur, » répondit-elle en l'invitant à s'asseoir, « je vous remercie de vouloir bien me prêter l'appui de votre talent qui est grand, d'après le témoignage de monsieur le juge d'instruction. » Maxou s'inclina. « Je vous en suis d'autant plus reconnaissante, » poursuivit la jeune fille, « que je suis pauvre. » « Jamais, probablement, je ne pourrai... »« Mademoiselle !» interrompit Maître Maxou, qui appartenait au premier chef à l'école réaliste. « Mettons de côté ces mots sonores de gratitude, de dévouement. Les affaires, pour moi, sont les affaires. Certainement, je serais très heureux de sauver une si charmante personne que vous. Mais si, comme je l'espère, je vous rends ce service, de votre côté, vous m'en aurez rendu un fort grand. En conséquence, nous serons quittes. Comment cela, monsieur ? Je m'explique. Comme vous, je suis pauvre, mais par mon éducation, par les goûts qu'elle a éveillés en moi, je suis un des 1000 déclassés de l'époque actuelle. J'ai des appétits de millionnaire. Pour satisfaire ces appétits, il faut que je devienne célèbre. Mais pour le devenir, il faut qu'une occasion se présente et que je la saisisse aux cheveux. Votre procès m'offre précisément cette occasion qui, jusqu'à ce jour, m'a manqué. Oui, j'y trouve pour moi la promesse de l'un de ces succès oratoires qui font date dans les souvenirs du palais. Maintenant, mademoiselle, vous devez comprendre que si l'un de nous est l'obligé de l'autre, c'est moi. Flavia demeura un instant silencieuse, les yeux fixés sur Maxou, puis lui tendant la main. S'il s'agit pour moi de la vie et de l'honneur, dit-elle, il s'agit de votre avenir. J'ai foi entière en vous. Je vous ai parlé avec toute franchise, répliqua Maxou, devenu grave à son tour. J'attends de vous une franchise égale à la mienne. Douteriez-vous de mon innocence ? Interrompit Flavia, avec une explosion trop naturelle pour être calculée. « En douteriez-vous, monsieur ? Vous êtes innocente, bravo ! Alors, quel que soit le masque dont se couvre l'auteur du crime, je le lui arracherai. Le pourrez-vous ? » dit la prévenue, d'un accent de profond découragement. « Depuis 8 jours, je cherche à deviner le mot de l'énigme épouvantable, et je n'y puis parvenir. »« Peut-être qu'à nous deux, nous le trouverons, mademoiselle ?» continua l'avocat. « Allons, du courage, que diable ! Je me sens de force à faire absoudre un criminel, à plus forte raison un innocent. À présent, dites-moi votre vie toute entière, car dans l'intérêt de votre défense, rien de ce qui vous touche ne doit m'être étranger. Je n'étais nullement préparé à cette confession, répondit Flavia Morin. Laissez-moi quelques heures pour me replier sur moi-même. Demain matin, je serai prête à vous ouvrir mon cœur. À demain donc, fit Maître Maxou en prenant congé de la prévenue.